ça va se laisser voir. Amen. Amen. Tushiwe bantu bakusema Mungu alitendaka zamani. Ne soyons pas des gens qui parlent que Dieu avait agi il y a trop longtemps. Mungu ako na tenda na leo. Dieu agit même aujourd'hui. Mambo ni weye na mbiye na muna tuko na mukali. Le problème c'est toi et moi, d'où est-ce que nous sommes en train de l'appeler? Gédéon akuyuwe. Gédéon lui ne savait pas. Ya kusema eko na solution. Que il avait la solution à lui. Gédéon alikuwa kwenye kilamante. Gédéon était en train de se lamenter. Mais solution ilikuwa katikati yake. Mais la solution était avec lui. Solution de quoi une présence ya Mungu. La solution c'était que la présence de Dieu. Gédéon alisabu ile banduku. Gédéon avait oublié cela, bien-aimé. Jo pamoja na maisha yetu. C'est de même avec nos vies. Wakati ya magumu. Pendant que nous sommes en train de passer un moment difficile. Tunakalaka tunasabu. Nous sommes en train d'oublier. Tu connais ça pour le bienfait de l'Éternel. Tu connais ça pour même à Yabouana. Et pourtant, Mungu. Parle notre Dieu. Il est en train d'agir chaque jour dans nos vies. Gédéon a regardé. Gédéon a regardé. C'est seulement le moment où nous allons récolter. C'est par là où l'adversaire vient. Pendant que Gédéon était en train de pleurer, il était en train de se demander ce que je suis en train de faire ici. Qui vont manger ça? C'est les ennemis qui viendront et ils vont tout prendre. Alors Dieu lui dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. Ou t'as délivré Israël. Tu vas délivrer Israël. Il est maté ce qu'on a ona. Souffrance que tu es en train de voir. Tu ne le verras plus jamais. Je vais te dire ce soir. Il est difficulté qu'on a ona. Les difficultés que tu es en train de voir. C'est pour un temps. Na kwani Dieu wakati tu. Ça va passer. Et tu vas bénir Dieu. La grande chose est qui est très chère. C'est celle de rester à la part de notre Seigneur. Et Dieu se souviendra de toi. Si Dieu parle d'une chose, il n'y a personne qui peut le bannir. S'il dit, et ça se laisse voir, et ça va être accompli. Il a marché ensemble avec Gédéon. Et il y a eu des victoires. Le problème, c'est à toi de rester attaché à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était le problème qui concerne Gédéon. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Genèse 39, à partir du 6e verset. On commence au 6e verset jusqu'au 12. Prenons-y à verset qui a 7. On commence au 7e verset. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Kisha ile basi likuwa tena mke wa mwalimu wake akamwangalia na macho mbaya Yusufu. Et il dit. Akasema couche avec moi. Basi tembea nami. Il refusa. Akakata. Et il dit à la femme de son maître. Akusema na mke wa mwalimu wake. Mon maître ne me permet. Tazama mwalimu ameniruhusu. Mon maître. Mwalimu wangu. Avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi. Dans cette maison. Et il n'en a rien interdit. Excepté toi. Il a tout oué. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu. Mnagana weza kufanya kitu kibaya kama kina kutenda dhambi mbele ya Mungu. Kwa qu'il parla tous les jours. Ngatena alikuwa anazungumza kila siku. Kwa Yusufu. Il refusa de coucher auprès d'elle. Alikuwa anakataa kutembea naye. Et d'être avec elle. Na kuwa pamoja naye. Amen. Amen. Hapa inakuwa ni problemi ya Joseph. La c'est l'histoire de Joseph. Tunajua mzuri sana na muna kani Joseph aliweza kuishi mnyumba baba yake. Connaissons bien comment est-ce que Joseph a survécu dans la maison. Joseph alikuwa mtoto mwenye kupenda sana na baba yake. Joseph c'était l'enfant que le père désirait tellement. Na Joseph alikuwa eko na servir mnyumba ya baba yake. Et Joseph était en train de servir dans la maison de son père. Joseph alikuwa mmoja eko na ogopa Mungu. Il était l'un qui craignait en moi Dieu. Banduku yake par jalousie. Ses frères par jalousie. Banamujisha. Ils l'ont vendu. Joseph eko na kwenda mu Égypte. Joseph il partait en Égypte. Banesha kumweka mu chariot. Lui qui était dans le chariot. Comme esclave. Kama mtumwa. Lakini Égypte na mupokelea. Mais Égypte il a au moins reçu. Comme esclave. Mais dans la future, Dieu savait que il serait au moins le premier ministre. Pendant que Joseph est arrivé, les choses dont tout qu'il faisait étaient en train de réussir dans la maison de son maître. Et la Bible est en train de témoigner en disant que Joseph était un jeune bien. Il était beau par son visage, même sa taille, même sa façon de parler, mais la façon dont il regardait. Mais alors il y a eu au moins des convoitises dans la maison. La femme de son maître a commencé au moins à lui chercher, qu'il devient au moins ce copain. Petit Mongali. Amen. Amen. Joseph a nakata. Alors Joseph a refusé. Banduku, kama niwei. Bien aimé, si c'était toi. Occasion ya or banaku. L'occasion s'est présentée pour l'or. Yawe kuikala na wei à côté ya muntu moya fulani. De se mettre aussi à côté d'une personne quelqu'un. Est-ce que tu peux refuser? Et tu n'as pas nakata là? Utakatela kulichafusha. Est-ce que vous pouvez refuser vous salir? Wakati maisha kwa nguvu. À un moment où la vie est très compliquée. Wakati bintu bina bloqué. Pendant que les choses sont compliquées. Jo kwa maana mercredi bari tufundisha mambo. C'est par là le mercredi on nous a parlé. Bari tufundisha mambo ma prison. On nous a parlé concernant les prisons. Ma prison ingine muntu yemwe kwenda kuita. Donc il y a d'autres prisons, c'est la personne qui a fait les choses. Pour sa vie. Il a besoin aussi d'apparaître devant les gens. Joseph lui a refusé de tomber dans les mains de la femme de son maître. Regarde-toi d'abord. Est-ce que tu peux échapper à cela? Le mercredi, on nous a dit qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se vendre seules. Il est en train de vendre son corps juste pour trouver la vie. Il vend au moins les enfants. Vous trouvez quoi, man? À quoi est bon pour trouver et perdre au moins son âme? Amen. Amen. Joseph a refusé de se salir. Mangaribi ya leo bandu. Ce soir, bien-aimé. Ni mangaribi ya sheku omba de une soirée, nous allons demander le pardon. Tushiwe bantu paka bakulomba Mungu. Ne soyons pas que les gens qui demandent Dieu bénis-moi. Mungu angalia mambo fulani. Je regarde tel problème. Bundumba, uko mais tu es toujours un petit. Uko coureur de jupon. Tu es un coureur de jupon. Oui, baba mukubwa. Toi, un grand papa. Tu es en train de couper. Toi, seulement les petites filles. C'est impossible. Tu vas trouver une fille comme ça. Mais elle est spéciale. Elle est déjà professionnelle. Elle est déjà professionnelle. Mais elle vient avec l'église pour au moins courtoiser les gens. Nous n'arrêterons pas de prêcher l'impudicité. Amen. Amen. S'il y a quelque chose de mal, nous devrions parler. Pourquoi tu n'alabisha kanisa? Sababu gani tuko na labisha kanisa? Pourquoi réputation source fekonde na kuya mubaya? Sababu gani tuko na labisha réputation chemchem loza? Bantu wanaanza kushikia na aya ya kusema mimi naombaka kusuru. Les gens ont même honte de dire que j'ai pris à l'église sous tabia, tabia. Parce qu'il y a de mauvais comportements. Tabia. Nos comportements. Escroquerie ni paka wei. L'escroquerie c'est seulement toi. Mandeni ni paka wei. C'est toi qui as toujours des dettes. Shunabe bonaripa. Si tu prends une dette, il faut payer. Unaanza kushunguruka shunguruka. Umasa tune. Leo unaanza kuchambulisha kanisa. Aujourd'hui tu fais injurer l'église. Bamwile kanisa. Les gens qui fréquentent cette église. Bamwile kanisa. Ce sont eux qui fréquentent cette église. Zaidi sa je sebe bengine bakupenda kusema sema. Comme nous les autres qui aiment trop parler. Unaona munisa hivi. Tu vas, c'est bien lui de ton église. Tunafunga mlango kwa évangile. Sommes en train de bloquer la porte pour l'évangile. Joseph a katala kujisuyer. Joseph a refusé de se salir. Comment Joseph a refusé? Si Joseph s'essuie, il ne devrait pas devenir le premier ministre. Le ministère devrait s'arrêter par là. C'est pourquoi même quand Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas pu faire un péché. Même s'il est né au travers, mais il n'a pas pu faire un péché. Il était en train de chasser à chaque instant. Si vous lisez dans le livre de Marc, ça dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Yesu anakuwa karibu kurudi. Kristo yeye ni karibu na kuya. Bandu kwa ina histoire. C'est pas une histoire bien. Il revient bientôt. Eko na kuya sasa. Kila mtu atasema mambo yake. Mais chacun parlera de ses problèmes. Nous le verrons tel qu'il est monté. Nous le verrons comme il va encore rentrer. Neema ya Mungu ingariki. La grâce de Dieu est encore là. Neema ya Mungu iko na kutafuta. La grâce de Dieu est en train de te chercher. Neema ya Mungu iko na kutafuta. La grâce de Dieu est en train de te chercher. Hapana kuharibisha maisha. Faut pas détruire ta vie. Hapana kuharibisha ndoa. Faut pas détruire ton mariage. Bile biote biko binangala. Tout ce qui brille. C'est pour un temps. Ni ya wakati moya. Itajimika. Et ça va disparaître. Bizuri bingali binakuya. Il y a encore de bonnes choses qui viennent. Amen. Amen. Takupatia exemple moya. Je vais vous donner l'exemple. Zamani, à l'ancien temps, ulikuya garage moya umu. Il est garage, il y avait un garage et là-bas on vendait des véhicules. Les cadres de Snell prenaient des véhicules là-bas. Tu m'as mini Maurice. Ma mini Maurice. C'est que tu m'as mis au tu m'as tout loco. Petit véhicule comme ça. Na ma VW. Et des VW. Tu connais ta semé disco. Tu l'as déjà connu ta disco. Aina côté n'a pas ça. Ça n'existe pas maintenant. Léo kuko ma Ford. Aujourd'hui, il y a encore. Kuko ma Jeep. Il y a des Jeeps. Mais où la kuya kana ile motoka? La personne qui avait en moi ce véhicule. Aliko na tamania na yeye kutembea mu Jeep. Il est d'envier de marcher avec un Jeep. C'est pour te montrer que bizuri bingali. Ni kwa kuonesha kusema iko de bonnes choses qui vient. Hapana ukatirisha maisha. Reste dans la présence de Dieu. Joseph a recata la kudicha. Joseph a refusé de se suivre. Apenda tu sois mes deuxième passage. Nous allons encore lire. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le maître du roi et par le vin dont le roi buvait. Basi Daniel yakakata kujichafua kumarusa ya mfalme na vinyo yenye mfalme alikuwa anakunywa. Et il pria le chef des eunuques na akaomba tena kwa akida de ne pas l'obliger de s'essuyer. Kwa asipate tena kumsukuma kujichafua. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Basi Mungu akamonea fadhili Daniel mbele ya Akida. Amen. Amina. Daniel est comme au Babylone. Daniel il se retrouve à Babylone. Mu inchi ya butumwa. Dans un pays où il était esclave. Mbari na kwabo. Loin de chez lui. Banebachakula. On les avait juste choisis. Jubeka le banze kuria kumeza ya